Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Palmarès C'est Fou édition Franco. Bonjour et bienvenue à l'édition francophone des Palmarès C'est Fou pour la semaine du 24 au 30 mars 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, ben on va écouter le top 20 des pièces les plus appréciées, les plus aimées des auditeurs. Ben, pas vraiment des auditeurs, en fait, vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est pas vos affaires partout. Des animateurs de C'est Fou, c'est eux qui décident les positions, c'est ce qui joue le plus. Donc à C'est Fou qui descend et ce qui joue moins, ben redescend. Hein? C'est un petit peu ça. La semaine passée, le numéro 1 en franco, c'était Radio Radio avec Dekchou, leur album Bel Mundo Regal. On va savoir très bientôt si ça tient toujours en position numéro 1. Mais avant ça, on a une nouvelle entrée, une seule nouvelle entrée du côté francophone cette semaine. Voici Vulgaire Machin et Parasite sur leur tout nouvel album Requiem pour les sourds. Ça se passe maintenant dans les Palmarès C'est Fou au 89 FM. La nouvelle entrée des Vulgaires Machins, Parasite, dans les Palmarès C'est Fou édition franco, c'est sur leur album Requiem pour les sourds. Vulgaires Machins qui était en entrevue très récemment à Assemblage Requis. La balado-diffusion va être définitivement bientôt sur le www.cfou.ca. Dans le prochain bloc, on va entendre Monogrenade avec ce soir. Ça, c'est stable en 18e, mais avant ça, on va entendre le nombre. Voici Sur ton île qui descend de 4 places. Vous êtes assez fous, 89 FM. Même si chaque s'inonde et que je veux vivre avec toi, moi je veux vivre dans le monde, je faisais déjà sans toi. numéro 18. Grenade avec ce soir stable en 18e position, précédé de Le Nombre avec Sur ton île qui descend de 4 places sur leur album Ville et Fantastique. Vous êtes toujours dans l'édition francophone des Palmarès C'est fou. Tout à l'heure, on va entendre du Bravo Funken avec Les Animaux qui descend de la 4e place. Mais tout de suite, voici La Pâte à rose et Décapote qui descend de 6 au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. numéro 16. Cette madame bleue qui court partout me fait sourire à mourir. Je respire. Une boule de feu qui brûle tous les pas de danse dans ma transe zoologique. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur, on joue ensemble aux animaux. Et moi qui danse sous le pont, et toi qui chante tes poumons. Bravo Funkin et les animaux en position numéro 16, ça descend de 12 places. Avant, c'était la Pâte Rose avec Décapote qui, elle, descend de 6 places. C'est sur leur album qui s'appelle aussi la Pâte Rose, hein? Ben ouais. Vous êtes dans l'édition francophone des Palmeurs assez fous. On continue jusqu'à la position numéro 1, c'est-à-dire Dekchou de Radio Radio. Formation qui était en entrevue en studio très très récemment. Ici, même assez fou, hein? Génial, Radio Radio en entrevue. Ben intéressé. Pas capable de faire des accents, pas en tout cas. Prochain bloc, nos amis au Pakistan, mais avant ça, voici Patrick et les Brutes avec J'ai peur de la mort. Et ça, ça monte de 5 places et c'est dans les palmarès, c'est fou. Et c'est encore plus que ça au 89.1 FM, croyez-le. Se fait arrêter près de la ville. numéro 14. Les amis au Pakistan avec Nobody, c'est la position numéro 14. Ça monte de 5 places dans le palmarès francophone sur leur album Cosmétique Cosmique. Alors, c'était Patrick et les Brutes avec J'ai peur de la mort qui monte de 5 places. C'était une nouvelle entrée sur la semaine passée de son album ou de leur album. Toutes les filles sont folles de moi. Ils sont plusieurs sur le derrière du CD, j'imagine. Hein? C'est un groupe. Des fois, ça, je dis groupe, puis c'est une personne ou le contrat. Ça arrive, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Prochain bloc, passons tout de suite là. On va aller entendre une pièce qui est tirée de la compilation 14e édition des Francouverts. C'est la formation Turbo Distorsion. Et voici Gérant d'Estrade qui monte de 4 places au 89.5. Oh, avant ça, je dois vous dire quand même, sans aller trop vite comme ça, que je saute par-dessus Chinatown avec Perdre son temps, qui est en 13e position francophone, pour aller tout de suite rejoindre Turbo Distorsion. Hein? Ça va très bien, ça. Ça va super, super bien. OK, je suis prêt. Vous êtes au 89 FM, c'est des palmarès, c'est fou. Transparence, un petit peu beaucoup trop de transparence. Hein? C'est bon. souvent. Dis-moi pourquoi. Est-ce à toi que je parle? Hey! Est-ce à toi que je parle? Hey! Dans ce CH, puis trouve-toi une fille. Est-ce à toi que je parle? Hey! Est-ce à toi que je parle? Hey! Oui, toi es le plus grand gira d'estrade. Pourquoi tu plais de rage en dedans? Le goût de bon, j'irais t'éliquant. Le lit de poudre au bout du pain. Dis-moi pourquoi vont-ils nous trouver un autre tigui? Vont-ils participer aux séries? Quel est ton sujet d'aujourd'hui? Mon compte ici. Retour, on va finalement avoir du Solid Town. Il va aussi y avoir Orange Orange et Fred Fortin. C'est les Palmarès C'est Fou édition, Franco. Contre le vent, j'ai brûlé mon passeport. Chinatown et perdre son temps, position numéro 13. Francophone, ça monte de la 17e, et c'est sur leur album Cité d'or. Un petit peu dans le désordre, hein? Tantôt, on avait sauté par-dessus, puis là, on l'a passé, finalement, Chinatown. Pourquoi? Parce que c'est bon. Il n'y a aucune autre raison que j'aurais expliqué, parce que vous vous en foutez pourquoi je ne l'ai pas joué tantôt. Hein? OK, bon, j'arrête de niaiser. Prochain bloc, c'est pas le reste francophone. On va être rendu position 10 et 11. On va entendre Fred Fortin tantôt avec le cinéma des vieux garçons. On va débuter ça avec Orange Orange et leur excellente pièce Je suis le héros. Le temps de vous dire avant ça d'aller voir le www.assemblagerequis.com pour télécharger les balados diffusion, l'émission, et cif.ca pour nous écouter en direct et pour voir le palmarès de C'est fou. Deux très beaux endroits avec une vue, je dirais, imprenable. Une vue imprenable. Ça a toujours eu bien du sens, cette expression-là. Là. Contredisez-moi pas là-dessus. Vue imprenable, hein? Ça se prend pas. Bon. Et tu te demandes être le héros ou suivre le héros. Être le héros ou suivre le héros. Eh bien moi, oh oui, je le suis. Je suis le J'ai quitté la maison quand elle m'a dit de partir sans lui demander la raison. C'est pas comme si je la voyais pas venir. À virer tout et ben dans le salon, elle portait sa robe des grandes occasions. Et je n'ai pas versé une larme tandis qu'au fond de moi j'avalais le mouton. J'ai compris quand à mon anniversaire j'ai reçu les clés du Pontiac que ça laissait aussi entendre à cette heure tes clics et puis tes claques. J'ai regardé sa chaise, ses yeux cherchaient de l'air dans ses lunettes épaisses, et même sa perruque ne pouvait contenir le malaise qui régnait sous son toit. À la projection, et j'ai le sentiment que maman est très fière de moi. Là-bas dans sa maison. Ah, j'en doute pas du tout. Fred Fortin avec le cinéma des vieux garçons, ça monte de deux places. C'était en 12e la semaine passée, là, c'était en 10e. C'est sur son album Plâtrer la lune. Avant Fred Fortin, c'était Orange Orange avec Je suis le héros qui monte de trois places. Ça fait 6 semaines que c'est là. Et là, ben, c'est rendu pas mal au milieu du palmarès. Je dirais que ça flotte tranquillement là. Ça monte un tout petit peu de trois positions. À la toute édition francophone des palmarès, c'est fou. On se rend jusqu'au numéro 1, qui, encore une fois, le numéro 1 la semaine passée était Radio Radio, avec Dexhou de leur album Belmundo Regal. J'ai hâte de savoir si c'est encore au sommet ou si c'est autre chose. Je sais pas, ça pourrait être, il y a plein de choses qui ont monté quand même. Ça pourrait être au hasard, je dis ça, mettons, je sais pas, Demi Robitaille, ça pourrait être Les Trois Accords, ça pourrait être Trico Machine, ça pourrait être Bernard Adamus, mais j'en ai aucune espèce d'idée. Il va falloir rester avec nous jusqu'à la fin pour le savoir. Dans le prochain bloc, il va y avoir le Husky avec 10 mois qui monte d'une place, mais avant, elle monte aussi d'une place. Voici Jenny Girl du Sabot Trio au 89 FM, c'est fou. Hey.

sans corps, ou c'est le sol qui me fait trembler. J'ai jamais voulu te frapper. Hitler en chocolat monte d'une place en quatrième position. Avant ça, c'était Vanessa Parietta avec Givresse qui monte aussi d'une place. C'est sur la compilation Les Frères du Son volume 1 que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Donc allez-y, je vous le conseille fortement. Lesfrèresdusson.com, c'est l'adresse. Vous êtes dans l'édition ou la version francophone des Palmarès C'est fou, c'est comme vous le voulez. C'est comme une mouture francophone. Hein? C'est juste une chanson en français, hein? Comparé à l'anglais, qui est diffusée le mercredi entre 13h et 15h. En passant, les deux éditions anglophones et francophones, donc le Crazy Countdown et les Palmarès C'est fou, sont rediffusées ensemble les vendredis soirs de 17h à 20h en version condensée. Donc que le palmarès, pas de petite niaiserie d'une demi-heure à la fin que ça n'a pas grand-chose. Là, hein? Prochain bloc, Bernard Adamus avec Cauchemar de course qui monte d'une place. Mais avant ça, voici l'ancien numéro 1 de Radio Radio. C'est le numéro 1 de la semaine passée. Voici Deck Chou au 89.1 FM. C'est fou! Oh, que oui. Avec mes peines et l'envoi ou avec mes Deck Chou, je vais marcher sur la vie. la superstar. Marchais sur la main ou marchais sur la automobile. Inéminimanemo, c'est qu'est-ce qui veut du jello? Si ton sport c'est du vélo, ben come on baby, hello. Saute, danse autour de la question, marchais sur la hay. Ok, j'explique, c'est 7-7-7 jet set dans ma minivan, no that cost. J'ai ma case in case que ma case work pour. Hit case in case que ma still work pour. Penny low for that shoe, got that soul. Got that soul, got that gym. Nah man, wish work my tan. Shopping channel, vend that scam. Copy, call it, shoot comme damn. Basically, so basic, so avec mes penny loafers, avec mes tech shoes, et j'vais marcher sur la, ou j'vais marcher sur la. Avec mes penny loafers, avec mes tech shoes, et j'vais marcher sur la, ou j'vais marcher sur la. So plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Hey, j'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la. Prends un cent à mon nom, prends de Louis Vuitton. Ça se passe, quoi d'où tu veux, j'te dis. Paye-moi 15 minutes, puis watch mon parc et mes valises. J'dirais pas que j'suis pauvre, j'dirais plutôt que j'suis broke. Un gars, ça me coûte rien, un bonnet sur la côte. Moi j'aime les couchers de soleil, puis watcher les bateaux. Avec de l'easy listening jazz qui joue sur mon radio. Avec mes peines et l'envoi, ou avec mes textes choux, et j'vais marcher sur la. Le jour où j'fais en rien trop gros, j'm'achant pour des causes, m'achcroyais en rien du tout. C'est la new edition, television match le piano. Tout ça d'un monde qui sait, tout le monde croit qu'il faut. Tout ça d'un monde qui croit les histoires des matelots. Mais j'les ai trouvés sur le bout du chat en marchant sur la wall. So plus broke, mieux y habillé, marcher sur la hay. J'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la plus broke, mieux y habillé, marcher sur la hay. J'ai dit plus broke, mieux y habillé, marcher sur la avec mes peignes et l'envoi, ou avec mes textes choux. Et je vais marcher sur la, ou je vais marcher sur la. Avec mes peignes et l'envoi, ou avec mes textes choux. Et je vais marcher sur la, ou je vais marcher sur la. Numéro 2. J'ouvre les yeux, pis j'vois Saint-Pierre. Tu pointes toi et deux biens, sont dans la glacière. Pis il me dit, hey là, viens ta mon petit gars, ça se passe par là. Y'a trop de lumière, j'vois rien ici. Mais j'attends Jésus qui m'invite. Assis à une table avec Ben Laden, pis le PD, j'ai dit CNN. J'me dis, hey là, ils vont-tu me dire tout haut ce qui passe tout bas? Ben, j'ai une faim de loup. La waitress, ça me fait du doux. Mais j'check comme faux, pis j'comprends pas. Elle a la face à Mandela. Pis j'me dis, hey là, tu penses quelque chose ici, on me le dit pas. Ben Laden mange des frites. Il t'enchaîne sa Swift à l'eau bénite. Pendant que dit Jésus, c'est toi, y'a les veines. Mandela suçait sa graine. Pis j'me dis, hey là, passe quelque chose ici, moi je m'en vais de là. Soudainement, ma peau noircie, on me dit, ta gueule, t'as rien compris. À grand coup de foot, calme. coin de la rue Michel Lalonde, le pitch des bombes. 114 après les ordres, ça prend le blabla. Faire un monde, je me dis, hey là, ils vont poigner des guns, shooter dans le top. J'suis au quai des brumes, moule bleu, haï, me sers pas de la table. En haut du bar, j'vois une pancarte, vide la place avant que tu partes. Bernard Lamus et Cauchemar de course en deuxième position. Ça monte d'une place et c'était précédé de Radio Radio avec Dave Chou qui est l'ancien numéro 1, donc descente de deux places. C'est sur leur album Belmundo Regal. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 et là, évidemment, c'est le moment de faire des... Si on avait un annonceur, genre, tu sais, avec un effet sonore, puis là, ça ferait genre, c'est le moment du jeu de ma poche de la semaine. Puis là, tout le monde applaudirait, ça serait ouh, la vibe, le gazou, etc., etc. Mais on n'a pas ça, donc c'est juste moi qui fais les jeux de mots poche en grand silence comme ça pour être le plus inconfortable possible, pour que vraiment ça passe comme super, comme dans du beurre sur le dos d'une rose, là. Donc, je sais pas. Je trouve que le palmarès a bien été aujourd'hui. Les pièces étaient très bonnes, on les a enfilées les unes après les autres, là, tu sais, on a comme avec des baguettes, là. On s'est donné comme un défi de jouer toutes les pièces en aussi peu de temps, genre, puis c'est ça. Pas grand chose à faire avec ça, hein, Tricot Machine, comme jeu de mots, à part d'être quelque chose de très, très, très évident, là, mais là, on n'ira pas jusqu'à utiliser le mot tricoter dans le jeu de mots. Et en première position. Moi, j'ai pas trouvé ça inconfortable du tout. Non. Sauvage, sans faire le ménage, je ne reconnais pas. On est sorti par derrière, on a fermé les lumières, libéré le char. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. L'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. On a sauté des clôtures, fait tomber des murs du bout de nos doigts. On a touché la nature, respiré l'air pur et trouvé la foi. Qu'on n'avait pas chanté pour rien. Remis l'ordre à sa place, c'est tout ce dont il a besoin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. Remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite. C'était la position numéro 1 du palmarès francophone de cette semaine. Mais avant de dire qui est numéro 1, comme si vous ne l'avez pas deviné par vous-même, hein, voici le top 5 en résumé. Donc, position numéro 5, Givresse de Vanessa Parietter. En 4e, c'est Mimi Van Der Glo avec Hitler en chocolat. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Dexu de Radio Radio. En 2e, Bernard Adamus avec Cauchemar de course. Et on vient d'entendre la position numéro 1 qui monte d'une place, c'est Tricot Machine avec Défi les rites, la pièce titre de leur plus récent album de Tricot Machine, Défi les rites. Voilà. Donc, c'est la fin de la version francophone des palmarès. C'est fou, hein? C'est triste comme ça. On va se quitter avec une bonne pièce des Vulgaires Machins dans quelques secondes à peine. En fait, pas une vieille pièce, là. J'étais sur le mode automatique ici. Non, une nouvelle pièce de leur album Requiem pour les sourds, hein, de leur plus récent album, parce que oui, ils ont pénétré le palmarès de nouveau avec une première pièce de cet album-là, Requiem pour les sourds. C'était Parasite en début d'émission. On va les écouter avec la pièce Longer les murs pour terminer. Voilà. Les auditeurs du vendredi nous quittent pour aller rejoindre les Lutins de l'Enfer qui commencent leur émission à 20h comme à chaque vendredi. En direct, les mercredis et jeudis, là on est jeudi, nous aujourd'hui en direct comme ça, entre 13h et 15h, et ben on va revenir avec une dernière demi-heure avec quelques classic gold hits à l'intérieur. C'est comme un neuf surprise. On va entendre entre autres du Pace Play et du Merry Go Run. Alors restez avec nous, mais pour l'instant, les Vulgaires Machins avec Longer les murs. Bye! Oh, ceux du vendredi qui nous quittent, là, écoutez-nous donc à Assemblage Requis, pour le fun, lundi au jeudi à 15h. Hein? Ouais, okay. Scène émergente 89.1. Dans un peu moins d'une demi-heure à Assemblage Requis, on a la nouvelle chronique de Vidéo à droite question. Une nouvelle capsule qui viennent tout juste de nous faire, comme ça, de nous envoyer. On va l'entendre tantôt. On va aussi avoir Stéphanie avec sa chronique Ton plat favori et ses coups de cœur artistiques et culturels. Alors, soyez avec nous à Qui on est Mathieu, Assemblage Requis. Ça commence à 15h, ici même à C'est fou. Et oui, vous êtes de retour au Palmarès, c'est fou, édition francophone, mais qui débarque après la dernière demi-heure. On se rend dans une genre de petite portion extra sauce brune, donc ça n'a absolument rien à voir avec du francophone. Par contre, des fois, ça m'arrive de choisir les pièces en conséquence du fait qu'on est le jour francophone. Comme si le mercredi était un jour anglophone et le jeudi francophone, tu sais. Dans notre tête, ça a bien, bien du sens, ça. Note étant ma tête, hein. On se rappelle que je suis seul ici. On y va tout de suite avec une pièce de Valès Parietac qui était sur le palmarès. Il y a quand même pas si longtemps que ça. Hein. Valès Parietac sont toujours en ce moment sur le palmarès avec Givresse. Maintenant, on va aller entendre leur pièce homonyme. Et elle s'appelle, devinez comment, Valès Parietac. Tout de suite, au 89 FM. C'est fou! Ah oui. C'est le même. contrôle, la faim, la soif d'autodestruction. Choisi près du bonheur, laisse les étudiants assommer la leur, les papillons dans l'estomac. Adrénaline, l'estomac qui crie famine. Entends, entends sur la danse, automate la la la la. Jamais rassasié, écoute du mal en arrière-pensée. La guerre pour qui gruge l'intérieur, qui lève le cœur. Le cancer progresse de rondeur. En transe, en transe, sur la transe, on tombe à la main à l'anime. En transe, en transe, sur la transe, on tombe à la main à l'anime. Autobanoman anonyme de Archigéant. On aime ça dire ça, Autobanoman anonyme. C'est un vétéran, ça, des palmarès Archigéant, c'est vrai. Avant d'entendre la pièce homonyme de Vanesse Pariétaire, donc Vanesse Pariétaire, hein, c'était sur leur album La mer était vide. Et ces deux-là sont des vétérans récents des palmarès C'est fou. Si on veut, les deux étaient ensemble dans le palmarès en même temps au printemps de 2009. Prochain bloc, on va entendre Merry Go Round tantôt avec Ejexio Siga, mais pour l'instant, voici Pace Play et 5 à 7. Vous êtes au Palmarès, c'est fou. Portion extra sauce brune au 89.1 FM. Que je connais pas beaucoup trop de l'amour pour donner de l'amour. Par contre, à l'aise à exhiber mes atouts. L'important c'est d'avoir l'air riche. J'oublie mon air très souli aux caméras pastiches. Sauf du vide, la vide de tout ce qui est dans le vent. Vite et maintenant, pour pas qu'on me dise que c'est plus ce qui est dans le vent. J'achète à vendre, regarder, je jette à vendre, le garder. C'est quoi la tendance, la nouvelle fragrance? J'garde la cadence, puis je dépense tous mes sous pour vous. C'est pâté, j'oublie mes goûts beaux. M'effacer, me fondre dans la masse de monde, c'est tout ce qui compte. Ton nom est sur le guest list, mais on sait pas des qui. Tu traînes avec les artistes, mais on sait pas des qui. Tu poses devant les journalistes, mais on sait pas des qui. T'es comme un animal de cirque, puis on sait pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bois tout notre alcool, mais on sait pas des qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de parler vite, dis-moi donc t'es qui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bois toute notre alcool,

Mary Goron et Jaxi Osiga, c'était sur le palmarès à la fin de l'année 2007. Avant, on a entendu Pace Play avec 5 à 7 qui a été sur le palmarès à l'automne de 2008. Voilà donc pour un petit bloc de Classic Gold Hits. Arrêtons de vivre dans le passé. Maintenant, vivons dans le présent et le futur, peut-être, de C'est fou, hein, parce qu'il y a des choses qui jouent dans d'autres radios universitaires et communautaires du Canada et qui pourraient très bien finir sur nos ondes ici à C'est fou. Ça arrive, ça. Et c'est ce qu'on appelle le palmarès Earshot sur earshot-online.com. Et là, je regardais ça, il y a plein de bonnes affaires, là, je dis dans le top 10, là, juste dans le top 10, là, Yes Ayer, Girlaz, Baja Bulat, Owen Pallet, Vampire Weekend. Il y a plein d'affaires qu'on joue dans nos palmarès ici. Mais si on descend un petit peu plus bas que le top 10, il y a plein de choses qu'on trouve originales. On n'a jamais nécessairement entendu parler, ou encore qu'on entend très peu parler ou très peu jouer sur nos ondes, donc ça vaut la peine de les faire jouer une fois de temps en temps. Alors, on va entendre tantôt The Splinters, mais avant ça, on va commencer par Broken Bells, un groupe qu'on entend de plus en plus. Maxime Lemularamé, des fois, en fait jouer. Kiwan en met aussi dans Assemblage Requis une fois de temps en temps. Mais ils viennent de pénétrer le palmarès Earshot en 30e position avec leur album Broken Bells, donc du même nom que le groupe. Et on va écouter la pièce The High Road. C'est un groupe de New York, aux États-Unis. Alors, les voici tout de suite dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM, mais c'est la radio campus de Trois-Rivières. The garden's sorting out. She curls her lips on a bow. I don't know if you're dead or not. If you anyone. Bailing out, he curled his lips on the bow, and I don't know if the dead can talk to anyone. Cause they Soon you're being told to recognize your asthma. La formation Pavement avec la pièce Shady Lane. Pavement qui est sur le palmarès Earshot en ce moment même, en position numéro 15. Je ne garantis pas que c'est une pièce qui est sur l'album, qui est dans le palmarès Earshot, mais c'est au moins pour donner une idée du son du groupe à l'époque où la pièce est sortie. Hein? Mettons qu'on n'a pas de date exacte de la pièce en tant que telle, mais bon, c'est pas grave. Salut Mathieu. Hey, salut Kevin. Ça va bien? T'arrives comme par surprise, comme un cheveu dans un jeu de quilles. Ça va? Oui. T'attends assemblage requis qui commence à 15h. Ça s'en vient très bientôt, ça. Oh, dangereusement bientôt, je dirais même. Hey, Pavement, qu'on vient d'entendre, là, en passant, font partie de la programmation d'Oceaga qui est annoncée cette semaine. OK. Tu leur diras d'updater leur MySpace. Ouais, il est assez moche, hein, leur assez. MySpace. Il est pas à jour du tout, hein. Du tout, du tout. Ils sont logués la dernière fois en 2008 sur leur compte MySpace, toi. Pour vrai, fait que c'est sûr que c'est pas. C'est sûrement pas une nouvelle pièce, mais c'est pas grave. C'est vraiment bizarre. Bizarre. Avant Pavement, on avait entendu The Splinters, qui est en position numéro 40 du palmarès Earshot des radios communautaires et universitaires. La pièce qu'on a entendue s'appelait Mysterious, et eux, leur MySpace est à jour. Ils se sont connectés aujourd'hui même. Bravo. C'est pas incroyable, ça, et c'est très, très joli comme MySpace. Allez-y, c'est myspace.com/The Splinters Band, et on nous apprend là-dessus qu'ils viennent de Californie. Voilà. Avant ça, on a entendu Broken Bells, qu'on commence à connaître un petit peu, assez fou, parce qu'on en joue assez régulièrement, on en entend assez souvent. Donc, Broken Bells, formation américaine de New York, en général, c'est ce qu'ils nous disent. Bon. Ouais, ben, je pense qu'ils sont installés à New York, mais ouais. En tout cas, il y a différentes sources. Hein. Bon, MySpace. J'ai vu souvent aussi qu'ils viennent de Californie. Ouais, sur MySpace, il est marqué New York, je crois. Je sais pas ça si veut ils rien sont installés dire, à New York. Ouais, je sais pas au juste, mais. Ils aimeraient ça aller à New York à un moment donné. Ils ont déjà été à New York lors d'un spring break quelconque. Ouais, ça, avec leurs parents, ils étaient jeunes. C'est ça, jouer au ballon balai. Je sais dessus, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Donc voilà, c'était notre petit bloc de palmarès Earshot que vous pouvez retrouver sur earshot-online.com. On va se quitter avec... Oh, quelque... On parle même pas du Earshot. Tu vas être impressionné, Kiwan, de tout ça. Ça va te perturber presque. Je mets la barre très, très haute. Mais bon. Sur le palmarès Earshot, il y a une nouvelle entrée en 45e position. C'est l'album Lessons from the Late Night de Hunter Valentine. Un groupe qu'on joue dans notre palmarès. Donc, on va se quitter avec le numéro 1, dans le fond, le numéro 1 de la première pièce du CD, finalement. Numéro 1 du CD, tu sais. En ordre de priorité sur le CD, c'est clairement la numéro 1. Hein? The Stalker de Hunter Valentine, et on se retrouve après ça pour assemblage requis, OK?